ma bonne vieille guitare, je t'ai traîné sur les chemins. Quand je chantais sur les trottoirs, à Bradford ou à Saint-Germain, tous les braves gens qui passaient se foutaient pas mal de nous. Mais c'était chouette quand on jouait le soir chez le père Doudou. Tu m'as donné tous mes amis, du moins ceux qui me sont restés. Quand sont venus les jours de pluie, quand le succès s'en est allé. Et puis un peu grâce à toi, j'ai appris à parler d'amour sans avoir peur comme autrefois. Cœur se faisait trop lourd. Sur l'océan de la destinée, un jour le vent n'a plus soufflé, inertes les voiles sont retombées. Mon bateau au port est resté. Alors chez moi je suis rentré, j'étais crevé et j'avais mal aux pieds. Mais t'en fais pas ma vieille demain, ensemble on reprendra le train.